Document 7. Une île de rêve. Deux amis, Chris et Alex, passent des vacances dans une île. Regarde cette jolie petite plage. Si on avait des sacs de couchage, on dormirait là. Ce serait formidable. On prendrait des bains de minuit. On verrait le soleil se lever sur la mer. Tu es fou. Si on dormait sur cette plage, on ne fermerait pas l'œil de la nuit. On serait dévoré par les moustiques. Et puis, tu as vu là-bas, si on se baignait la nuit, on ne verrait rien et on se casserait la tête sur les rochers. Oh, mais regarde un peu cette maison abandonnée. Si j'avais de l'argent, je ferais des travaux et je vivrais ici toute l'année. Je ferais pousser des légumes, je pêcherais, j'aurais des poules, des chèvres et un chien. Tu imagines? Si tu faisais pousser des légumes, où trouverais-tu de l'eau? Tout est archi sec. Et si tu avais un problème de santé, par exemple, si tu te cassais la tête sur les rochers, tu devrais attendre le bateau et tu pourrais mourir en attendant, crois-moi. Et puis, je pense que si tu vivais ici, tu t'ennuierais à mourir en hiver. Tu n'aurais ni cinéma, ni café, ni librairie. Tu serais l'esclave de ton chien et de tes poules. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un vrai romantique.